Bonjour tout le monde, bonjour Xavier Mauduit. Je vous propose de redécouvrir notre série sur Érasme, penseur du XVIe siècle, pas toujours très bien connu malgré le fameux programme Erasmus. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Poursuite ce matin de notre série consacrée à Érasme. Après avoir évoqué hier l'humanisme européen au début du XVIe siècle, atmosphère dans laquelle Érasme était plongé, abordons sa réflexion politique et son rapport au pouvoir. Deuxième épisode, Érasme et le prince. Nous avons noté dans notre premier épisode la différence entre, d'une part, ce que plusieurs chercheurs ont appelé l'humanisme civique des cités italiennes du Moyen-Âge et du Quattrocento, c'est-à-dire un mode de pensée très ouvert au républicanisme et tenant le christianisme à distance de la politique, et d'autre part, l'humanisme nord-européen du début du XVIe siècle, très pieux, soucieux de repenser les conditions d'un christianisme plus authentique et parfaitement étranger politiquement à toute perspective républicaine. En tout cas, il me semble, peut-être que mes invités me contrediront. Autrement dit, tous ces humanismes étaient attachés à l'héritage grec et romain, mais la présence de cet héritage dans leur pensée ne produisait pas les mêmes idées, notamment en matière politique. Venons-en donc à ce texte d'Érasme de 1516, « Éducation du prince chrétien » ou « Institution du prince chrétien » adressé au futur Charles Quint. Qu'a donc appris Érasme à Charles ? Et pourquoi Érasme comptait-il tant sur les valeurs chrétiennes à inculquer à tous les princes ? Nous en parlons ce matin avec Marie Barral-Baron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire à l'Université de Franche-Comté et une excellente spécialiste d'Érasme. Je remercie l'équipe technique de France Bleu Besançon qui permet cette liaison avec vous en duplex. J'accueille aussi un très bon connaisseur de Charles Quint et de tous les penseurs qui papillonnaient autour de lui, si j'ose dire. Bonjour Juan Carlos D'Amico. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Caen-Normandie. Vos travaux sur le XVIe siècle nous aident à comprendre d'une façon générale les enjeux politiques qui étaient les plus épineux pour cette époque, notamment la peur des révoltes à l'égard des pouvoirs politiques. Une inquiétude bien fondée, surtout pour nous qui rétrospectivement savons dans quelle obscurité le XVIe siècle s'est peu à peu enfoncé avec les guerres de religion. Après la lumière de ces premières décennies, je ne peux pas m'empêcher de commencer cette émission par le son d'un massacre bien connu. Évidemment, c'est une fiction. Ça se passe moins de 40 ans après la disparition d'Érasme, qui aimait tant la paix, l'obéissance des peuples et la bonté de ses gouvernants. Vite ! Il s'appelle La Mole, il est protestant. Pourquoi vous me dites ça ? Qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y. Là ! Dans la chambre ! Non ! Philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre la reconstitution du massacre de la Saint-Barthélemy de 1572 par Patrice Chéreau dans La Reine Margot, ce film de 1994. Alors bien sûr, les historiens n'aiment pas trop les regards rétrospectifs, mais enfin, nous sommes dans une émission qui s'appelle Avec philosophie. C'est difficile pour nous qui réfléchissons au XVIe siècle et à Erasme de ne pas avoir en tête ces massacres des guerres de religion qui vont commencer après la mort d'Erasme en 1536, affrontement entre chrétiens où des pouvoirs chrétiens opprimeront d'autres chrétiens et où des chrétiens refuseront d'obéir à ce que Paul, Saint Paul, appelait les autorités temporelles, même lorsqu'elles étaient chrétiennes. Il est évident que Erasme peut-être ne pouvait pas l'imaginer ou le pressentait, vous me le direz, en tout cas faisait tout dans son institution du prince chrétien de 1536 pour qu'au contraire les valeurs chrétiennes aident les peuples à vivre en paix avec leur prince Juan Carlos d'Amiens. Oui, vous avez raison, c'est exactement ça, c'est le fait que Erasme demandait aux princes chrétiens de vivre en paix dans leur pays, de ne pas penser à faire des guerres, de ne pas élargir leur territoire. Évidemment, ils ne pensaient pas que la situation allait se dégrader à tel point, mais effectivement, c'est quelque part le manque de réforme à l'intérieur de l'Église qui prenait Erasme, qui amène d'abord à l'éclosion de la pensée luthérienne et puis à l'affrontement entre ces clans de protestants et de catholiques qui a une violence terrible, surtout après le Concile de Trente et la réforme, la contre-réforme catholique, oui, qui amène à l'intérieur des États à des guerres civiles. Alors, à des guerres si entre on chrétiens, garde ce... comme les appelait Erasme. Oui, si on garde un peu ce point de vue en hauteur, un peu rétrospectif, voilà, pour essayer de réfléchir, nous qui savons ce qui se passe après Erasme, on ne peut pas oublier que, justement, les dogmes religieux pour contenir les princes et contenir les peuples semblent dysfonctionner à un moment donné. On s'affronte entre chrétiens. Et c'est intéressant pour la théorie politique parce que 4 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy, en 1576, Jean Bodin va inventer le concept de souveraineté où, certes, il y aura encore dans son texte quelques legs chrétiens, mais fondamentalement, le concept de souveraineté pour fonder l'État, est en train de se séparer des fondements religieux. Tout à fait, tout à fait. Mais si nous regardons l'Institutio Principis Christiani comme l'idée d'administrer le bien public, et au-delà de l'aspect de la chrétienté, si nous mettons à la place du prince chrétien l'État, nous avons en Erasme une pensée philosophique qui est aussi une pensée politique qui est très importante. Mais qui n'a rien à voir, on est d'accord avec ce qui se passera après, c'est-à-dire l'idée d'une souveraineté qui doit se fonder, alors ce sera encore plus clair chez Hobbes au siècle d'après, mais la souveraineté de l'État ne devra plus rien à des sources religieuses, alors que clairement, chez Erasme, on est dans cette période où on pense que les valeurs chrétiennes peuvent fonder un État légitime. C'est la différence un peu entre Machiavel et Erasme, en fait. Hein. Machiavel, en quelque sorte, détache la sphère politique de la sphère religieuse. Et c'est là qu'il y a la différence. C'est la raison pour laquelle on appelle souvent Erasme comme le anti-Machiavel. Parce que, effectivement, pour Erasme, le roi doit être philosophe. Mais en même temps, philosophe, pour Erasme, c'est être chrétien. Être chrétien, ça veut dire suivre l'exemple du Christ. Donc, dernier point, avant que Marie Barral-Baron nous donne ses lumières sur le texte d'Erasme de 1516, et notamment le contexte de ce texte, je voudrais vous demander s'il est donc exact de noter le contraste entre le républicanisme italien des cités italiennes, fin Moyen-Âge, 15e siècle, et évidemment Machiavel en point d'orgue, qui publie Le Prince en 1513, mais le régime préféré de Machiavel, c'était la République, hein, c'était pas le prince. Il se trouve que c'est l'échec et Laurent II de Médicis a le pouvoir et il le conseille en 1513, sur un mode d'ailleurs assez provocateur. Mais enfin, Machiavel était un républicain. Est-ce qu'on a raison de dire que c'est vraiment tout à fait autre chose comme vision du politique que Erasme? Il y a un historien important du XVIe siècle qui s'appelle Quentin Skinner qui disait qu'entre Erasme et Machiavel passait la plus large fracture éthique. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai, mais il y a quand même des choses qui, approchent Erasme de l'humanisme civique florentin du Quattrocento, comme vous avez bien dit hier. C'est-à-dire que les secrétaires florentins, par exemple, Coluccio Salutati, Poggio Brocciolini et d'autres, mais pensaient à une idée qui était comment appliquer dans les modèles de l'ancienneté, de l'antiquité, des modèles qui puissent être adaptés à la République de Florence. Oui. Et donc, dans cette idée, il y avait quelque chose qui était lié à la pensée antique, c'est-à-dire au fait que les philosophes qui avaient pensé à la possibilité des organisations institutionnelles de l'Antiquité pensaient qu'il y avait trois formes de pouvoir positif et trois formes de pouvoir négatif. Oui. Donc c'était la monarchie. Dont le négatif était la tyrannie, je présume. Dont le négatif, c'était chez Aristote, la tyrannie, dans les politiques. Par exemple, hein, oui. Aristote. La démocratie, dont le négatif, c'était l'anarchie. Oui. Et l'aristocratie, dans le négatif, c'était l'oligarchie. Oui. Et nous voyons dans certains passages, dans un passage particulier d'Erasme, qu'Erasme dit de vouloir tempérer la monarchie. Oui. Et de la tempérer avec une forme qui concentre aussi les deux autres formes. Et là, c'est plutôt la pensée de Polybe. Oui. Ce qu'on appelle l'anacyclo, c'est-à-dire le fait que l'histoire est, comment dire, d'une manière cyclique, revient d'une manière cyclique, et pour éviter la tyrannie, justement, il faut penser à un régime qui soit l'ensemble des trois. Mmh. Effectivement, Machiavel était un républicain, mais dans le chapitre 9 du Prince, oui, il théorise le principat civil. Oui. Et le principat civil, c'est exactement ce qui semble, à un moment, Erasme théoriser, même si d'une autre manière. Et il dit que le prince, la monarchie n'est pas du tout son régime favori, mais dans les discours sur la première décade de Tite-Live, ce texte posthume de Machiavel, il dit dans la première partie, alinéa 58, que si déjà on a un roi ou un prince, il faut qu'il gouverne avec des lois, il faut qu'il s'appuie sur des... qu'il ne soit pas dans le caprice, et ça aussi, c'est quelque chose qui est commun avec Erasme. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, le début de l'Institutio Principis Christiani, parce que Erasme, la première chose qu'il dit, c'est qu'autrefois, on votait le roi, et ce qu'on a perdu par le vote, il faut le récupérer par l'éducation. Et ça, c'est très important, parce que les monarchies aujourd'hui sont des monarchies dynastiques, et ils se réfèrent à un passé dans lequel le Sénat romain, par exemple, allait élire avec le vote du peuple. Oui. Et donc, cet aspect-là qui est perdu aujourd'hui, il faut le récupérer par l'éducation du prince. Marie Barral-Baron, vous connaissez vraiment très bien les écrits d'Erasme et singulièrement ce texte « Éducation ou institution du prince chrétien » de 1516. J'aimerais que vous nous rappeliez pour commencer le contexte de l'écriture de ce texte. Charles a 16 ans, il n'est pas du tout Charles XV, il s'apprête je crois à prendre l'Espagne et c'est seulement 4 ans après qu'il sera à la tête du Saint-Empire romain germanique. Alors qu'est-ce qui lui prend à Erasme d'écrire à ce petit Charles qui n'est pas encore aussi puissant? Alors, en fait, c'est un ouvrage de commande. C'est-à-dire qu'Erasme, sans doute, n'aurait jamais rédigé ce texte de lui-même. C'est donc le chancelier de Bourgogne, Jean le Sauvage, qui lui réclame ce texte en 1515. Donc, ce n'est pas ce document, ce traité d'éducation politique qui fait la réputation d'Erasme. C'est bien parce qu'il est extrêmement réputé qu'on le lui commande. Erasme hésite, hein, il aime se faire désirer, il hésite un certain temps avant de répondre à cette commande. Et la commande est composé à la fin de l'année 1515. Il se lance dans l'écriture en janvier-février 1516 et le texte, on le sait, est en cours d'impression chez Johann Froben à Bâle au mois de juin 1516. Donc entre la commande du texte et la remise du traité à Charles, ce dernier est devenu effectivement roi d'Espagne. Donc ça l'intéresse Charles Quint. Et Charles Quint devenu Quint, ça l'intéresse ce texte qui lui a été qui c'est lui-même qui l'a commandé? Non, je présume pas que ce sont ses conseillers. Ce sont ses conseillers qui réclament. Alors, c'est une tradition très ancienne. On est là dans un texte qui s'intitule Le miroir du prince, hein, le Speculum Principis. Donc un miroir, ce sont des textes que l'on trouve dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc une tradition très ancienne où on a l'habitude de commander pour former le prince des traités moraux, pédagogiques, pour aider le gouvernant à bien servir, à bien traiter ses sujets. Mais rien à voir, me semble-t-il, avec le ton de Machiavel, qui s'empresse dans Le Prince de dire que la virtu, la vertu politique, n'a strictement rien à voir avec la vertu morale chrétienne. À ce propos, je suis quand même obligée de vous poser la question. Est-ce que Le Prince de Machiavel, paru en 1513, a été lu par Erasme? Absolument pas. Erasme ignore complètement ce texte qui, en fait, est écrit en 1513, mais ne paraît pas en 1513. Oui. Donc, il ne l'a pas lu. Il n'en a absolument pas connaissance. Et il ne répond pas du tout à Machiavel dans son texte. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, je dirais que la vision d'Erasme, c'est vraiment de construire un prince chrétien. C'est un point fondamental. Erasme est un humaniste chrétien. C'est-à-dire que pour lui, le bon prince est celui qui est à la fois héritier de la pensée, je dirais, judéo-chrétienne et de la pensée gréco-latine. Et donc Machiavel a-t-il, pardon, juste pour que ce point soit clair, Machiavel néanmoins a-t-il déjà une réputation? Et si oui, je présume que c'est celle d'un mouton noir et donc d'un repoussoir. Mais est-ce que vraiment on peut dire que les humanistes nord-européens, dès qu'ils parlent de politique, même s'ils n'ont pas lu le détail des textes de Machiavel, savent que Machiavel existe et veulent surtout ne pas l'imiter? Alors, il n'y a pas de traces de Machiavel dans les textes d'Erasme, aussi bien dans sa correspondance que dans d'autres écrits. Donc, il est délicat, si vous voulez, de répondre à la question, du moins pour Erasme. Mais il est évident qu'Erasme se bat contre une tradition d'un prince qui pourrait, j'ai envie de dire, passer ses journées dans l'or et dans l'argent. Il se bat contre cette vision d'un prince et de la magnificence. Lui, il veut construire un prince chrétien parce qu'il est convaincu que c'est la seule manière pour que les sujets soient obéissants. C'est la notion de consentement qui est au cœur de l'institution du prince chrétien. Il veut que ce prince qu'il est en train de construire, qui a à peine 15-16 ans, se rappelle, se souvienne des conseils erasmiens. Il doit être plus vertueux que l'ensemble de ses sujets. Et là, je vous en prie. Et il doit chaque jour s'inscrire dans, si vous voulez, l'exemple du roi Salomon, finalement, du roi qui ne cesse de penser à la paix. Alors, il y a aussi une raison, et je précise, le pacifisme érasmien, qui est presque légendaire, s'explique également parce que Erasme a un objectif. On est en 1516. 1516, c'est l'année de l'âge d'or pour Erasme. Il faut bien avoir cela en tête. Oui. C'est l'année où à la fois il publie un nouveau recueil des adages, les lettres de Saint Jérôme, le nouveau Maestromentum que vous avez cité hier, la nouvelle traduction du Nouveau Testament, et dans le même temps, on est dans ce contexte des guerres d'Italie, et on aboutit à la fin du mois de novembre 1516, vous savez, un traité de paix perpétuelle entre les Suisses et la France, et Erasme veut croire, que la paix est possible. Or, la paix est un élément essentiel, indispensable, s'il veut imposer son rêve d'humanisme chrétien. C'est-à-dire des lettres. Un certain tragique a posteriori nous apparaît, puisque, comme nous l'avons dit dès le début, ce siècle ne va pas être un grand siècle de paix. J'ai une dernière question pour le moment, Marie Barral-Baron, parce que je pense qu'elle va lancer toute une discussion avec Juan Carlos D'Amico. Bon, vous dites que Erasme voulait la paix. Je vais me permettre de requalifier cette expression en il veut l'obéissance des peuples, aussi l'obéissance pacifique et heureuse aux autorités temporelles. Et là, bien sûr, j'ai en tête le chapitre 13 de l'Épître aux Romains de Paul, puisque nous parlons de sources chrétiennes. Paul dit que même des autorités temporelles impies doivent être obéies inconditionnellement, car, je cite, il n'y a d'autorité que par Dieu. Et donc toutes les autorités temporelles qui existent, je cite encore, sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. C'est embêtant ce texte parce qu'on se dit que même un très mauvais prince doit, chrétiennement parlant, être obéi. Évidemment, c'est peut-être plus simple si le prince est bon, si le prince est chrétien. Et donc on se dit que demander au prince d'avoir des vertus chrétiennes, c'est peut-être résoudre aussi la petite angoisse qui ressort de cet épître aux Romains. On obéira mieux et on sera plus fidèle à Paul si le prince est bon et est chrétien, n'est-ce pas Marie Barral? Baron. Exactement, oui, je vous rejoins entièrement. Il est évident qu'Érasme a en tête les écrits de Saint Paul. Il est très, très paulinien. Sa philosophia Christi est imprégnée de paulinisme. Et bien évidemment, d'ailleurs, il est extrêmement habile, Érasme, parce que si on revient au titre de son texte qu'on traduit « Éducation du prince chrétien », si on revient au latin, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien « institution », c'est-à-dire que ça vient du verbe latin « instituere », qui signifie « établir, fonder, donner à un prince des racines et surtout lui permettre de les découvrir par lui-même. C'est-à-dire que le texte, en fait, n'est pas un recueil, finalement, de maximes politiques ou de maximes religieuses, mais il faut l'entendre comme un véritable exercice d'herméneutique destiné au prince. Et l'idée d'Érasme, c'est de le conduire à travers ses références à Saint Paul, à Aristote, à Isocrate, à Salluste, pour que, de lui-même, il comprenne l'intérêt d'être toujours ce prince vertueux qui défend le bien public et qui obtient nécessairement, naturellement, le consentement de ses sujets. Qu'en pensez-vous, Juan Carlos D'Amico, pour les humanistes nord-européens, il faut que les princes soient chrétiens aussi pour que le chapitre 13 de l'Épître aux Romains de Paul, si je puis dire, s'applique correctement, que les peuples puissent vraiment bien obéir au prince. C'est un problème que, par exemple, un Machiavel ne posait pas du tout en ces termes. Lui qui savait bien qu'on pouvait avoir des tumultes, dit-il au chapitre 17 de la première partie du discours sur la première décade de Tite. Oui, tout à fait. Et que les tumultes qui chassent les rois ne sont pas forcément mauvais. Au contraire, pour Machiavel, ça fait partie de la dialectique de la société. Dans la présence du tribun du peuple, c'est fondamental pour essayer de calmer la sédition quand il faut. C'est vrai que Charles Quint, il va se trouver face à des séditions, que soit dans les communautés en Espagne, en Castille, ou que ce soit à Gand, dans sa ville natale. Je voulais revenir tout simplement sur l'aspect de la paix. Oui, c'est très important. Parce que il faut dire que nous sommes donc en 1516 et que à ce moment-là, bon, déjà à la cour de Bourgogne, il y a déjà un problème. Il y a, comme dans tous les cours, des courants particuliers. Il y a un courant qui est autour de Marguerite d'Autriche, qui est la tante de Charles Quint, qui est plutôt favorable à l'entente avec l'Angleterre et qui, derrière elle, il y a une hostilité vis-à-vis de la France. Oui. Et d'un autre côté, il y a un autre courant qui est celui donc qui est de Chièvre, qui est le grand chambellan de la cour et celui qui était à l'origine de l'éducation du prince, parce qu'il faut dire qu'en 1516, l'éducation de Charles Quint a déjà été faite. Oui, à 16 ans, on est déjà vieux, hein, au 16e siècle. On est déjà vieux. Il a été émancipé à 14 ans, alors qu'il aurait dû être émancipé à 16 ans, et que parmi ses maîtres d'école, il y avait quand même Adrien d'Utrecht, qui va devenir pape, et qui était lui aussi prôné pour les principes des frères de la vie commune dont vous avez parlé hier. Donc Charles a été éduqué déjà de cette manière. Alors qui commande auprès de lui à Érasme ce texte, parmi tous ces conseillers qui ne sont pas d'accord entre eux? Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le chancelier de Bourgogne qui fait partie de la courant qui est favorable à une entente avec la France. Et il faut une entente avec la France. Et en 1515, François Ier est monté sur le trône de France. Il faut absolument une entente. Et ça va marcher à un moment donné. Ils vont avoir une entente avec Charles Quint. Il y a un traité de Paris, il y a un traité de Noyon. Ces deux traités-là, c'est à la même époque qu'ils sont signés. Et pourquoi cette paix est nécessaire? Parce que Charles doit aller en Espagne. Et pour quitter ces territoires, ces terres, il faut absolument la paix avec la France. Donc Erasme le Pacifique, ça nous paraît très joli, moral et sans, disons, stratégie immédiate, mais en réalité pour l'époque, ça renforce la position qui veut la paix avec la France. Si on contextualise ce texte-là, oui. Oui. C'est comme ça. Et il faut attendre, par contre, 1519. Alors là, quand il y a la mort de Maximilien, ça pose un problème parce que là, c'est François Ier qui va se candidater à un poste que Charles, enfin, que le grand-père de Charles, l'empereur Maximilien, considérait que c'était pour eux, qui va poser des problèmes et c'est là qu'il va commencer la guerre. Et en fait, cette paix entre François Ier et Charles Quint sera fragile. Hein. Ça sera très fragile. C'est le moins qu'on puisse dire. N'empêche que Charles Quint, il sera toujours convaincu d'être érasmien dans sa manière de penser et que pendant les années 20 du siècle, du 16e siècle, il va protéger Erasme jusqu'à le couronnement de Bologne, au moins, parce que c'est le couronnement de Bologne qui va changer un peu la politique de Charles Quint. Alors, Erasme et le prince, c'est notre sujet ce matin. Ça renvoie beaucoup de choses à un souvenir que nous avons aussi peu avant de Machiavel, auteur d'un texte pour le prince, mais que Erasme n'avait pas lu. Ça nous renvoie aussi, nous qui lisons tout cela après coup, à l'enfer des guerres de religion qui se préparent malgré tout. Et puis, la question qui est posée est de savoir dans quelle mesure Charles Quint a vraiment appliqué certains concepts erasmiens, et notamment le concept de monarchie universelle. Marie Barral-Baron, j'attends que vous m'éclairiez beaucoup sur cette notion. Écoutons en attendant le propos d'un historien, Bartholomé Benassar, qui évoque ce point en janvier 1996. C'était dans l'émission Les chemins de la connaissance sur France Culture. Je ne suis pas sûr justement qu'on puisse retenir l'adjectif d'impérialiste pour la coller à Charles Quint. Charles Quint a une conception de l'Empire qui en effet le rapproche de l'idée d'une monarchie universelle, mais pas d'une monarchie qui soit le moins du monde nationaliste. Il avait été très frappant de constater que Charles a toujours dit qu'il en avait assez avec les États qu'il avait reçus et qu'il avait nullement l'intention de priver les autres princes de leurs États. Par contre, il prétendait à une sorte de leadership spirituel et intellectuel face, si vous voulez, au reste du monde. Car ce qui est très frappant, et beaucoup d'historiens l'ont remarqué chez Charles Quint, c'est qu'il ne peut se confondre avec aucune nation. C'est véritablement un Européen. Il n'est pas espagnol, il est né en Flandre, il est mort en Espagne. Mais il n'est pas flamand, il n'est pas espagnol, il n'est pas français, il n'est pas bourguignon, il n'est pas allemand, il n'est pas italien. Il est tout cela à la fois. Alors, est-ce que Charles Quint correspond au projet erasmien, je crois que cette expression est d'Erasme, de monarchie universelle, ce qui me semble vouloir dire non-nationaliste. Est-ce que vous pourriez préciser ces concepts, Marie Barral-Baron ? Alors, Erasme, et il le dit très clairement dans l'éducation du prince chrétien, il est contre la monarchie universelle qui a été prêchée notamment... Ah, alors j'ai mal compris. D'accord, merci parce que j'ai pas très bien compris, oui. Alors, nous, la notion de monarchie universelle, elle est défendue notamment par Maximilien, l'empereur, qui est, mon collègue vient de le rappeler, hein, qui meurt en 1519, et qui est, je dirais, le presque père de Charles, hein, qui a perdu son père, Philippe le Beau, en 1506. Donc c'est Maximilien qui va aussi participer à sa formation, hein, aux côtés d'Adrien d'Utrecht notamment. Et ce concept de monarchie universelle, chez les Habsbourg, il est très important. C'est l'idée que finalement, cette terre autrichienne doit s'étendre et doit sans cesse gagner des territoires, par la guerre certes, mais surtout par les mariages. Et Erasme en parle beaucoup dans son éducation. Ça, c'est la monarchie universelle, alors. Illustrée quand même par certaines choses de Charles Quint. Mais Erasme pense quoi de cela ? Pour Erasme, et c'est quelque chose de très, très moderne, hein, la souveraineté de l'empereur ne doit pas être universelle. Elle doit se limiter à l'intérieur de ses propres États. Oui. Et pour lui, Charles, finalement, n'est plus qu'un monarque, je dirais, parmi tant d'autres. Mmh. Et c'est quelque chose de très nouveau sous la plume d'Érasme. Et il s'oppose là, pour le coup, très clairement à la tradition des Habsbourg. Hein, il ne cite pas, bien entendu, Maximilien, mais il dit fermement, avec même une grande autorité, son refus de la monarchie universelle. J'ignorais ce point et je pensais au contraire que l'universalisme des lettres et des idées et des pensées de cet humaniste conduirait à une pensée analogue en politique. C'est passionnant. C'est, au contraire, en politique, semblez-vous dire, pas du tout. Oui, parce que ça, la monarchie universelle signifie la guerre, signifie des mariages pour en permanence augmenter les territoires. Et Erasme a très bien compris que je dirais que l'origine, si vous voulez, des guerres est précisément, en tout cas entre François Ier et Charles Quint, est précisément la question de l'augmentation des territoires. On le voit bien avec oui, les guerres bien d'Italie, sûr, bien hein, sûr. Avec le Milanais. On est juste après la bataille de Marignan de 1515. Juan Carlos d'Amico, qu'est-ce que vous en pensez là de cette... Ben, je suis tout à fait d'accord oui. avec ma collègue. Erasme, à plusieurs reprises, se manifeste contre la monarchie universelle. Même dans son prologue de l'œuvre de Suétone, il dit « Je pense qu'il n'y a personne qui voudrait aujourd'hui souhaiter qu'on revienne à une monarchie, parce que la monarchie universelle de cette époque signifie en quelque sorte revenir à ce qui était l'Empire romain d'une époque. Mmh. » Et dans la cour de Charles Quint, il y a un monsieur qui, lui, il a théorisé la monarchie universelle, c'est-à-dire Mercurino da Gattinara. Mercurino da Gattinara propose, en 1527, un peu avant le sac de Rome, à Erasme, de relire le manuscrit de Dante, De Monarchia, oui. qui parle de la monarchie universelle. Parce que pour Dante, la monarchie universelle, c'est fondamental. C'est-à-dire, quand un prince possède la terre tout entière, il n'y a plus envie de personne, il est plus égoïste, il peut être au service du peuple oui. comme un vrai prince chrétien. Eh bien, Mercurino da Gattinara demande à Erasme de revoir ce manuscrit pour éventuellement le publier. Erasme ne répond pas à cette question. Mmh. Ne répond pas à cette question. Et on a beaucoup débattu pour quelles raisons ne répond pas à cette question. Mais ce qu'il est évident, c'est que Mercurino de Gattinara, il se sent quand même erasmien. Pourquoi ? Parce que ce qui s'intéresse à Charles Quint, c'est la réforme pour éviter la rupture du christianisme. Oui. Et la réforme doit se faire à l'intérieur de l'Église et non pas à l'extérieur comme fait Luther. Et donc, il y a tout un cercle de conseillers de Charles Quint qui, dans les années 20 et 30, protège Erasme. À tel point que les franciscains, à un moment, publient un livre, en Espagne, publient un livre qui est, disons, contre Erasme, parce que Erasme, dans un colloque qu'on appelle la puerpera, la couchée, oui. eh bien, semblait rigoler sur la nouvelle monarchie qui était en train de fonder Charles Quint. Oui. Et les franciscains étaient d'accord pour la monarchie universelle parce que c'était le reflet de ce que Dieu mm-hmm. commande sur le ciel. Il faut qu'un prince le commande sur la terre. Eh bien, le conseiller de Charles Quint, que ce soit Gattinara ou que ce soit Alfonso de Valdés, ils disent, ne t'inquiète pas, ici, tout le monde est avec toi. Et en 1527, Alfonso de Valdés, à l'époque où le pape est prisonnier au château de Saint-Ange, demande qu'un bref du pape soit envoyé à l'archevêque de Séville, pour lui dire que quiconque parle mal d'Erasme et de ses œuvres, il doit être oui. excommunié. Et tout ça, on l'imagine très bien, ne va pas arranger les rapports entre Erasme et Luther, rapports tumultueux et passionnants qui feront l'objet de notre quatrième épisode dans cette série. Je voudrais qu'on écoute maintenant les mots mêmes d'Erasme dans ce texte de 1516, Institution du prince chrétien, et en particulier ce fameux passage où il dénonce la tyrannie. Le tyran s'est fixé comme objectif de suivre tous ses caprices. Le roi, au contraire, ne veut que le juste et le bien. Le salaire du tyran, c'est la richesse, La récompense du roi, l'honneur qui suit l'intégrité. Le tyran gouverne par la crainte, la ruse et les pratiques vicieuses. Le roi par la sagesse, l'honnêteté et la bienfaisance. Le tyran exerce le pouvoir dans son intérêt, le roi dans l'intérêt de la société. Tyrans et rois ont nombre de mains et d'yeux, mais utilisent ces instruments de façon diamétralement opposée. Le tyran fait en sorte de transférer les biens des citoyens à une petite caste de gens peu recommandables et à fortifier son pouvoir en affaiblissant ses sujets. Le roi, lui, pense que ce qu'il peut y avoir dans la cassette des citoyens, c'est cela essentiellement qui est son trésor public. Le tyran fait en sorte de tenir tout le monde sous sa coupe par les lois ou la délation. Le bonheur du peuple fait la joie du roi. Le tyran s'attache à être craint, le roi à être aimé. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Et c'était Anna Fulpin de l'équipe d'Avec Philosophie qui lisait pour nous ce texte d'Erasme dans l'éducation du prince chrétien de 1516. Bon, moi je veux bien que ce soit du christianisme, de dire que le tyran doit être gentil, vertueux, pacifique et bienveillant à l'égard de son peuple, voulant contribuer à son bonheur, mais j'entends surtout du Aristote, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Barral-Baron? C'est quand même... pas si neuf par rapport à la réflexion des philosophes anciens en politique. Oui, bien sûr que vous entendez Aristote et vous avez raison. Oui. Parce qu'Erasme est nourri d'Aristote et nourri de Platon et on le sent quand on lit son texte. Hein, c'est évident que tous ces grands auteurs païens sont présents. Mais ça ne suffit pas. Pour lui, le tyran reste un tyran, mais c'est le roi qui doit bien sûr être un modèle éthique, un modèle vertueux. Mais il ne faut jamais oublier que cet Aristote doit se mélanger à ce que Erasme appelle la Philosophia Christi. Qu'est-ce que ça veut dire, traduit. Alors, c'est ce qu'on traduit la philosophie du Christ. Oui. C'est la grande idée que défend Erasme, que chaque individu peut marcher dans les pas du Christ. C'est-à-dire qu'il est inutile, et ça fait écho avec l'émission d'hier, il est inutile en fait de rester enfermé dans un couvent pour plaire à Dieu. Mais pas de retrait du monde, contrairement à une certaine lecture d'Augustin et de Paul. Exactement. C'est sa fameuse formule, vous savez, monacatus non est pieta, c'est-à-dire la vie monacale n'est pas la piété. On peut être un parfait chrétien en vivant dans le monde, en gouvernant un État, mais toujours, toujours avec le souci de gouverner à l'image de Dieu. Et c'est aussi, enfin moi c'est aussi ce que j'entends dans ce texte, c'est ce mélange permanent des conseils de Salluste et du Christ. Et pour Erasme, la lecture quotidienne de l'Évangile doit tous les jours permettre d'inculquer dans l'âme du prince, l'amour du Christ, la passion des bonnes lettres. Et ainsi, ce prince marchera, grandira en sagesse et en prudence. Donc, voilà. Je renfonce le clou. Hein. Aristote m'apparaît tellement présent, par exemple, dans un autre passage où Erasme dit, s'il y a plusieurs régimes politiques possible, et d'ailleurs le fait qu'on puisse en épouser plusieurs de différents qui peuvent chacun avoir leur vertu, comme l'a dit Juan Carlos D'Amico, c'est une vieille pensée politique des anciens, et notamment d'Aristote, il dit quand même, si le roi est extraordinaire, à l'image de Dieu, dit Erasme, alors il doit l'emporter sur tous par sa sagesse et sa bonté, et n'ayant besoin de personne, il doit n'avoir d'autre ambition que d'être utile à la société, et dans ce cas-là, on peut clairement le mettre tout seul au pouvoir, c'est exactement ce que dit Aristote. Si vous avez un type exceptionnel dans votre assemblée, celui-là, vous pouvez lui donner le pouvoir, n'ayez crainte. À ce moment-là, ça se passera bien, même si on sent en arrière-plan que peut-être ce genre de type, ça n'existe pas tous les matins. Hein. Mais vous voyez, on a l'impression qu'il christianise un propos qui existe depuis très longtemps dans la philosophie antique. Mais Erasme, il est hanté, véritablement hanté par le rêve de Platon que les philosophes deviennent rois ou les rois philosophes. Il est complètement nourri par cette culture de l'Antiquité païenne, d'Aristote, de Platon, de Plutarque, aussi de Cicéron, de Sénèque. Enfin, tout cela, pour lui, le véritable humaniste, c'est l'humaniste qui maîtrise autant, hein. J'ai envie de dire, c'est 50%. 50%, c'est 50% les sources antiques, 50% la parole de Dieu. Oui. Donc, alors, comme tous les lecteurs mélange. Chrétiens d'Aristote, on tire quand même la pensée d'Aristote vers la monarchie. Alors qu'Aristote laisse les choses ouvertes. Il y a même un passage fameux des Politiques où il dit les vertus du gouvernement du peuple par le peuple, hein. Évidemment, moi, je pense à Thomas d'Aquin, par exemple, dans De la royauté. Bon, là, on est au XIIIe siècle, c'est une autre ligne chrétienne, mais déjà, il lisait Aristote en le tirant vers le modèle de la monarchie. C'est d'ailleurs ce qui énervait certains républicains italiens. Oui, et qui ne plaît pas non plus à Erasme. Ah. Erasme n'a pas une grande tendresse pour Thomas. Saint Thomas d'Aquin. Oui, parce que c'est la scolastique, c'est la somme de Saint Thomas d'Aquin. Donc, mon Saint Thomas n'est pas dans ses lectures favoris. Il ne le conseille pas. Il ne le conseille pas d'ailleurs dans l'éducation du prince chrétien. Mais il a le même travers, qui est de tirer quand même toute l'affaire aristotélicienne vers l'apologie du régime monarchique, certes avec quelques contrepoids. C'est ça? Exactement, oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Juan Carlos D'Amico? J'ai été peut-être un peu forcé, mais j'ai tellement cette impression, je suis désolée, que ce pauvre Aristote se retrouve mis du côté de la monarchie alors qu'il ne le souhaitait pas autant que cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous et avec la collègue concernant la culture immense d'Erasme, non seulement par rapport au texte à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, mais toute la philosophie de l'époque antique. Je ne sais pas si quelque part Erasme se pose la question de savoir si le tyran mérite d'être tué, parce que c'est une question qui va revenir tout le temps. Je pense que, en tout cas, dans l'institution. Assez important dans notre histoire moderne occidentale. Hein. Assez important. Tout à fait. Et j'ai pas là, dans l'institution, il se pose pas cette question. Par contre, si on regarde les vertus, effectivement, quand on compare avec Machiavel, bien évidemment, les vertus, comme le lion et le renard sont plutôt du côté du tyran, qui n'ont pas du côté du prince chrétien. Et là, il y a une grosse différence. La fracture éthique dont parlait Quentin Skinner. Elle est tout à fait évidente. Alors, bon, moi, je voudrais savoir maintenant cette paix qui obsède, et on le comprend, Erasme, l'importance de ses vertus chrétiennes pour qu'elle triomphe. C'est dirigé contre qui? Contre quel adversaire? Quel ennemi? Quelle angoisse? L'Empire ottoman, les Turcs, c'est qui l'instance politique mondiale contre laquelle il faut prévenir Charles, le futur Charles Quint. Bon, alors, pardon. Je ne sais pas si, cette institution est vraiment consacrée, disons, à uniquement à Charles, mais c'est une analyse qui est adressée un peu à tous les princes en général. Et en fait, la question de la paix est liée au fait que jusqu'à maintenant, on est dans les guerres d'Italie. C'est commencé en 1494 et ça continue. Donc là, on est entre chrétiens. Guerre entre chrétiens, des guerres civiles, va les appeler Alfonso de Valdés, qui est un Erasmien, le plus Erasmien d'Erasme, on l'appelle en Espagne. Et en fait, cette guerre d'Italie pose énormément de problèmes. Erasme, dans l'Institutio, dit qu'il veut pas venir sur des aspects précis parce qu'il veut pas, il veut froisser personne. Oui, mais soyons clairs, vous êtes un spécialiste de Charles Quint, de sa cour, de ses conseillers. L'angoisse, c'est les Turcs. Non, alors, je me trompe là où j'ai lu des choses fausses. D'abord, ce qu'il dit Erasme, c'est qu'il faut d'abord se mettre d'accord entre princes chrétiens et peut-être avant de faire la guerre aux Turcs, il faut faire la paix entre princes chrétiens. Parce que sinon, tort, on est plus turc que le turc. Et vous diriez la même chose, c'est cette idée. Marie Barral-Baron, la question des Turcs va se poser évidemment un peu plus tard, hein, quand Charles Quint sera vraiment l'empereur le plus puissant d'Europe après Charlemagne. Ce qu'il y a d'assez puissant face à lui, c'est quand même la force turque. Mais bon, c'est pas vrai au moment où écrit Erasme en 1516. Non, c'est absolument pas vrai. Je crois qu'en 1516, le turc n'est pas un problème pour Erasme. Il faut attendre la bataille de Mohács de 1526, où Louis II de Hongrie est exécuté sur un champ de bataille, vous savez, terriblement boueux. Il faut pas oublier que Louis II de Hongrie est l'époux de Marie, qui est la sœur de Charles, hein, la sœur de Charles Quint. C'est vraiment une onde de choc extrêmement puissante en Europe. Et là, effectivement, la peur du turc, la peur de l'infidèle va monter en puissance en Europe. Et d'ailleurs, et ça brouille aussi un peu l'image d'Erasme. On sait qu'en 1529, Erasme écrit un texte qui est pas très célèbre, mais qui est très important, dans lequel il s'interroge, est-ce qu'il faut porter la guerre aux Turcs? Ah, quand même, et à un moment, il pose le problème. Et il conclut, parce que quand vous lisez l'Institution du Prince, il est carrément contre la guerre juste, hein, défendue par Saint-Augustin ou Saint-Ambroise. Il s'y oppose clairement, le prince doit être ce modèle de paix permanent. Et voilà que le Turc redistribue les cartes et en 1529, Erasme conclut qu'il faut porter la guerre, hein, qu'il faut vraiment s'armer. Donc vous voyez que la peur, elle monte, parce que le XVIe siècle est un siècle de peur. Hein, Jean Delumeau l'a bien montré, la peur est partout et cette peur, elle envahit également l'esprit érasmien. Et tous ceux qui le suivent durant la décennie 1520, qui est sans doute la décennie la plus importante du XVIe siècle. Et c'est à la fin de cette décennie 1520 qu'Erasme a véritablement peur du Turc. Là, je crois que dans ce texte, comme on vient de le dire, c'est un texte, Erasme l'a pensé, bien sûr, pour Charles, mais aussi pour d'autres. D'ailleurs, il l'offrira au frère de Charles, Ferdinand, quelques années après. D'accord. Donc, c'est un texte, voilà, pensé pour les princes chrétiens. Oui, c'est très intéressant. Faisons de l'histoire, hein. Moi, je suis d'accord avec vous, hein. Pour bien philosopher, faisons de l'histoire. Exactement. Il n'empêche que nous qui philosophons a posteriori sur ce texte de 1516 d'Erasme, nous ne pouvons pas nous empêcher d'entendre derrière le prince chrétien, la valeur du prince chrétien, l'autre qui est en train de se profiler, et qui n'est peut-être, en fait, pas l'ennemi le plus grave, l'ennemi qui va être le plus délétère, qui va faire couler le plus de sang dans les rues européennes et pour longtemps, eh bien c'est un chrétien. Ça va venir de l'intérieur, la contestation. Et ça, finalement, Erasme peut-être en avait l'intuition. Je voudrais que vous écoutiez une autre fiction. Évidemment, hein, on n'a pas de documentaire sur Charles Quint avec des images et des sons. Mais écoutez cette adaptation radio du livre d'Henri Clouard et Pierre Laffut, Charles Quint ou l'Empire impossible, adaptation de 1956 qu'on entend sur la RTF. Et vous allez voir que c'est un grand face-à-face, peut-être imaginaire, entre Charles Quint et Luther. Frère Martin, nous te prions de nous faire savoir en quoi consiste ton hérésie. Je ne suis coupable d'aucune hérésie, sire. Je lis l'Évangile, voilà tout. Mais tu le lis et tu l'interprètes, mais tu l'interprètes mal, tout autrement que le Saint-Père et ses cardinaux. Le Saint-Père et les cardinaux ne le comprennent pas. Je lis l'Évangile, sire, son sens n'est point caché. Tout bon chrétien peut et doit le lire comme moi, en toute simplicité. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui compte, c'est l'Écriture. Beaucoup de gens ne savent pas lire, tu le sais bien, frère Martin. Il faut donc lire pour eux. C'est ce que j'ai fait, sire. J'ai lu l'Évangile pour mes frères allemands qui ne savent pas lire. Mais enfin, l'Église détient la vérité. Dites-lui avec que 20 générations de pères et de saints ont fixé la tradition qu'il rejette. Frère Martin, tu juges donc que les conciles se sont trompés? Je ne juge pas, monseigneur. Car l'Évangile dit ne jugez pas. Oui, tu joues sur les mots. Je t'ordonne de répondre à l'évêque. Le sens de l'Écriture ne se dissimule derrière aucun voile. Il est aussi pur que le ciel, puisque c'est la parole de Dieu. Et Dieu a voulu qu'elle soit accessible, même aux humbles d'esprit. À quoi servent les théologistes s'ils y découvrent ce qui ne s'y trouve pas? Sire, la force reprend ses droits quand la raison se révèle impuissante. Vous avez assez discuté, frappé maintenant, à moins qu'il ne rétracte ce qu'il a écrit. Es-tu prêt à renier les propositions que tu as avancées et qui ne concordent point avec les dogmes de l'Église? Tu me vois encore disposé à recevoir ton repentir. On ne peut se repentir d'avoir dit vrai, sire. Rétracte tes écrits, tête de multidesque. Je ne le puis. Penses-tu qu'on te laissera impunément corrompre mes pays héréditaires, comme tu as déjà corrompu l'Allemagne? Dieu seul sait ce qu'il en est et ce qui en adviendra. Et Martin Luther, évidemment, ne se dédiera pas. Il ne s'est déjà pas dédié devant le pape. Alors, pourquoi se dédierait-il devant Charles Quint? Il ira même plus loin, puisque nous évoquions le chapitre 13 de l'Épître aux Romains de Paul, exigeant l'obéissance inconditionnelle aux autorités temporelles. Texte supposé cher à Luther. Eh bien, ce cher Luther, en 1531, opportunément, trouvera des clauses d'exception à ce texte. On peut quand même s'opposer aux autorités temporelles si il essaie de s'accommoder avec en 1531 dans « À mon cher peuple allemand » de cette injonction d'obéissance pour lui trouver donc des situations d'exception. C'est opportun en pleine guerre de religion qui s'annonce. L'ennemi est chrétien et le ver est dans le fruit. Juan Marcos Carlos D'Amico, c'est ça? Oui, effectivement. Bon, les choses ne se sont pas passées vraiment comme ça. comme dans un peu d'histoire. La fiction radiophonique que nous avons entendue. Ils se sont vus quand même, Charles Quint. Tout à fait, dans la diète de Worms, Charles Quint convoque Luther pour qu'il vienne s'expliquer devant la diète de le représentant des États allemands. Et effectivement, Luther refuse de rétracter. Et Charles Quint, le jour suivant, fait prononcer plutôt en allemand, mais il écrit lui en français un morceau, parce que la langue de Charles Quint, il faut pas l'oublier, c'est le français, hein, au départ. Ouais. Bien évidemment, il a grandi à Malines, auprès de sa tante Marguerite, et écrit un texte dans lequel il refuse de s'opposer à l'Église catholique, il refuse de accepter, il dit exactement si tous les pères de l'Église se sont trompés, c'est pas possible qu'un moine qui vient ici nous dire que ils avaient tort, et donc il bannit de l'Empire Luther, mais effectivement Luther ne sera pas banni. Marie Barral-Baron, tout petit dernier mot, c'est pour vous la conclusion. Pourquoi lire l'institution du prince chrétien en 2023, ce texte d'Erasme de 1516? Pourquoi? Qu'est-ce qui est fort dans ce texte encore aujourd'hui? Parce que c'est un texte qui fait pénétrer dans ce magnifique XVIe siècle, même s'il est marqué par la peur et la violence, il montre aussi une formidable espérance. Et je crois qu'il nous replonge dans ce qu'on appelle la païdéa, qui est intraduisible en français, mais qui signifie la culture en grec. Et il montre la puissance de la culture et que seule la culture permet la paix. Merci. Tom Petty, It's Good to be King, une chanson de 1994. C'est bon d'être roi. Obtenez un sentiment de paix en fin de journée. C'est bon d'être roi, quel que soit le prix à payer, à méditer. Merci en tout cas infiniment, Marie Barral Baron et Juan Carlos D'Amico, pour vos éclairages sur ce texte de 1516 d'Erasme adressé au futur Charles Quint, institution du prince chrétien. À présent, c'est l'heure de Frédéric Worms qui nous parle du tragique cette semaine. Écoutez-le, c'est le pourquoi du comment. Comment la tragédie nous instruit-elle? On est parfois frustré, mais aussi toujours tenté de convoquer la catégorie du tragique devant les catastrophes qui affectent l'humanité et aussi, car c'est toujours le cas, devant la responsabilité des humains dans ces mêmes catastrophes. Le tragique, en effet, désigne toujours non seulement un mal anonyme qui tombe sur les humains, mais une faute dont quelqu'un est responsable, dont des humains individuels ou des groupes humains se rendent responsables, ce qui fait que le tragique est aussi toujours une catégorie non seulement métaphysique qui confronte les hommes au malheur ou au destin en général, mais une catégorie morale et politique. Pourtant, on résiste à cette catégorie de tragique et on a bien raison car on la trouve trop générale. Il faut en effet toujours situer le tragique dans une histoire individuelle, dans une histoire concrète et on a toujours la tentation quand on pense le tragique en général, de le resituer, comme on fait beaucoup de philosophes, dans une explication, dans quelque chose qui lui redonne un sens, dans une théorie de l'histoire, dans une théorie de la nature humaine, comme si, parce que le tragique était humain, en effet, le tragique a quelque chose de profondément humain, parce que le tragique serait humain, on pourrait le réintégrer dans un sens et en quelque sorte l'éliminer, en produire une théorie qui viendrait à le dépasser. C'est pourquoi, au fond, pour penser la réalité, ce qui dans le tragique nous résiste, résiste à un sens qui pourrait s'imposer à lui, il faut revenir à quelque chose de très simple, de beaucoup plus modeste en apparence, qui sont les tragédies. Le tragique est en fait une catégorie générale issue d'un genre dramatique, d'un genre littéraire très particulier, la tragédie telle qu'elle a été inventée en Grèce dans l'Antiquité classique et archaïque aussi du 7e au 5e siècle, son âge d'or en particulier avant Jésus-Christ. Dans un livre qui a marqué la théorie de la tragédie et du tragique, Pierre Judet de Lacombe marque cette différence. Le titre du livre est très clair. Il écrit « Les tragédies grecques sont-elles tragiques ?» Et il défend l'idée que non, que les catégories philosophiques du tragique ont dénaturé la tragédie grecque. Or, quelle est la différence entre la tragédie, une tragédie, et le tragique en général? C'est justement que la tragédie nous instruit, nous apprend le tragique toujours par une histoire individuelle avec un nom. C'est Antigone, c'est Œdipe, c'est Médée, c'est tel ou tel personnage qui est affecté par un drame terrible et surtout qui est responsable d'une faute qui n'est jamais seulement individuelle mais aussi politique. Le tragique n'est pas seulement un destin face au mal en général mais toujours aussi une faute devant une règle, devant une règle morale qui produit des catastrophes en chaîne dans sa transgression, mais aussi devant la cité. Le tragique, et Aristote l'avait montré dans la poétique, la tragédie fait de chaque cas individuel une règle générale dans l'individuel même. Il nous montre comment l'individuel nous instruit. La tragédie purifie des histoires, va au cœur d'une histoire tragique pour nous montrer sur des cas individuels des règles absolument générales. Et quelle est la règle la plus profonde de la tragédie? Aristote l'avait montré dans la poétique. La règle la plus profonde, c'est que toujours le coupable dans la tragédie a transgressé une règle, un principe qui fait tenir les relations humaines. Il a violé la relation entre le fils et le père, la relation entre le frère et la sœur, la relation entre les humains dans une cité qui permet à la cité de tenir. Et parfois, c'est entre les humains en général qu'un individu a transgressé ce qui nous permet de vivre ensemble, ce qui permet à la guerre civile, en particulier, de ne jamais se déclarer. Le cœur dans la tragédie est toujours ce qui redoute la division, la guerre civile, ce qui vient tout détruire. Dans un acte individuel, la cité peut être détruite. C'est cela que la tragédie vient toujours nous apprendre.